Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot, présentée par Gabi et Nico. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast La Bande à Baggio. Et ce soir, nous, on fait pas encore relâche, nous sommes pas encore en vacances. Et voilà, ce soir, on va parler de quelques sujets qui sont tombés cette semaine avec cette triste histoire, pardon, avec la mort de notre loulou Nicolin préféré. On va parler un petit peu de lui ce soir. Ensuite, on parlera aussi de la Coupe des Confédérations qui s'est passée, qui s'est déroulée tout le mois de juin, et on parlera aussi un petit peu des infos transferts, des derniers transferts qui s'est passé il y a quelques heures et puis dans la semaine. Et ce soir avec moi j'ai Yesha. Salut Yesha. Salut à tous. Et j'ai Rétro, si vous ne rêvez pas, Rétro qui est nous, avec nous pour parler de foot actuel. Salut Rétro. Salut. Voilà. On va commencer un petit peu cette édition par cette triste nouvelle qui nous est apparue lundi dernier, si je ne dis pas de bêtises, hein, je crois que c'était lundi dernier. La mort de Loulou Nicolin, président de Montpellier, à l'âge de 74 ans. Et si on veut parler de lui, c'est que c'était un personnage. Il n'y a pas d'autre mot, c'était un personnage, c'était quelqu'un qui aimait son club. Quelqu'un qui est parti de division d'honneur avec Montpellier dans les années 70 et qui est monté jusqu'au sommet avec victoire en Ligue 1 en 2012. Il y avait une victoire aussi en Coupe de France un petit peu avant. Voilà, c'était un sacré personnage. Et si Rétroplay est là ce soir, c'est un petit peu pour nous parler de lui aussi. Parce que voilà, pour toi, que représentait Loulou Nicolin? Bah disons que... c'est un style de président qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'existera plus. Malheureusement. Aujourd'hui, nous n'avons que des présidents salariés, enfin, ou ouais. par des actionnaires. Hein, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les présidents de club sont des fusibles, hein, carrément. C'est-à-dire que, voilà. Et lui, c'était vraiment le père fondateur d'un club donc, qui, avant de s'appeler le Montpellier Hero Sporting Club, s'appelait la Paillade Montpellier. Ouais. Et en fait, il a créé ce club-là en 1974 et il l'a fait gravir, il a fait en division d'honneur et il a fait monter ce club une première fois en division 1 en 1980. Oui. Donc ce qui est assez rapide quand on parle de la division d'honneur. Alors, la division d'honneur, ça équivaudrait aujourd'hui à la CFA 2 à peu près. Oui. Bon, même si on peut pas comparer. Les deux foot à l'époque, quoi, oui, c'est sûr. Oui, voilà, mais voilà, c'était vraiment un bâtisseur, simplement. Et je pense que, après, qu'on soit d'accord avec le personnage ou pas, mais c'est très respectueux déjà. C'était un passionné, et ça, vraiment, il avait un musée aussi, on en parlera, avec des maillots, donc c'est vraiment le football. Et je pense qu'il a été un père pour tous ses joueurs. D'ailleurs, ils l'ont tous dit, parce que c'était vraiment un personnage très proche de ses joueurs. Et aujourd'hui, c'est clair que ça n'existe plus, des gens comme ça. C'est sûr. Voilà. Et toi, Yesha, qu'est-ce que t'évoquais, Louis Nicolin? Alors, je ne connaissais pas beaucoup ce grand personnage, et c'est regrettable. Et le peu que j'ai entendu de lui, c'est que c'était un très grand personnage, et je regrette, et ça c'est vrai, c'est un de mes plus grands regrets récemment, de ne l'avoir pas connu, parce que c'est vrai, on parle de cette histoire du fait qu'il ait entraîné Montpellier, enfin je veux dire, il était quelqu'un de très important pour ce club à ce moment-là, et avec Internet ça va plus vite, hein, pour ceux qui les retardataires, j'en fais partie. Et j'ai vu, et je me suis dit, quel dommage de n'avoir pas connu, d'être passé à côté d'une grande figure du foot français. Eh oui. C'est vrai que ce personnage-là, alors il y a des choses que j'ai appris parce que je connaissais pas tout sur lui. Bon, il était président de Montpellier, il a été aussi président, il s'est beaucoup investi aussi dans le Montpellier Hero Rugby Club, voilà, en top 14. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il avait acheté à l'époque le Paris Basket Racing en 2002. Et le Paris Handball. Ah, ouais. Le Paris Handball aussi. Donc en fait, lui, c'était vraiment un grand fan de sport. Et il était aussi président, et ça je l'ai appris, de la Fédération Française de Joute, en fait. Donc bon, c'est vrai que c'est pas un sport national, mais voilà, il aimait ce genre de sport. Et c'était une grande gueule, c'est un mec, il avait pas peur de dire les choses comme il fallait à la caméra, devant le micro. C'était pas un mec qui était aseptisé dans ses paroles, quoi. Hein. Oui. Voilà, je me souviens là vite fait un truc qui me vient à l'esprit il y a quelques temps quand Benoît Pedretti jouait à Nancy ou à Auxerre, ouais, je me rappelle plus Auxerre. Si c'est Nancy ou ouais, c'est devait être à Auxerre. Auxerre, ils avaient gagné, je crois, 1-0 contre Montpellier, et puis il avait dit de toute façon Pedretti, on l'attend au match retour à la Mosson. Et il a dit Benoît Pedretti, c'est une petite tarlouse. Voilà, donc il avait lancé ça. En plein direct, comme ça, et franchement, personne d'autre, à part lui, aurait pu lancer des choses comme ça. Et puis bon, il a eu d'autres phrases inoubliables, comme aussi quand Montpellier était monté en deuxième division à première division avec Courbis, qu'il avait dit que Courbis avait fait monter Montpellier avec des demi-mongoliens, en parlant des joueurs. Franchement, voilà, comment se prendre la tête avec ses propres joueurs, quoi. Enfin bon, il y a tellement eu de phrases comme ça. Il y a aussi dans les années 90, justement, ils avaient perdu contre Auxerre en finale de la Coupe de France. Donc, tu vois les joueurs qui applaudissent à la fin, à la remise du trophée, qui applaudissent les joueurs auxerrois qui ont gagné la Coupe. Et lui, d'un seul coup, il fait « Allez, ça suffit, on arrête d'applaudir. » Hop, tu vois. Enfin voilà, ça c'était du Loulou Nicolin tout craché. Et puis bon, il était connu en dehors du sport aussi avec son... Il avait repris l'entreprise de son père, c'était les déchets, hein, c'est les ramassages de déchets. Voilà. C'est vrai que dans le sud de la France, on voit beaucoup les camions marqués groupe Nicolin dessus. Et puis bon, il n'a pas qu'en dans le sud de la France, il en a un petit peu partout dans la France, quoi. Donc c'était un sacré personnage, et ça va nous manquer parce que voilà, c'était, comme je disais, il avait pas la langue de bois, et de revoir un président comme ça, ça sera pas possible, parce que il a eu beaucoup de problèmes avec certaines phrases qu'il avait sorties, mais on lui laissait quand même une certaine, entre guillemets, une certaine liberté d'expression. Maintenant, tu vas en convenir avec moi, rétro, de toute façon, maintenant, les nouveaux présidents qu'il va y avoir dans le futur, ce sera tout aseptisé, ce sera du politiquement correct. Oui, bah. Oui, bah, de toute façon. Après, ce qu'il y avait de bien avec Nicolin, c'est que bon, il critiquait aussi beaucoup ses propres joueurs, donc déjà, c'est quelqu'un qui était aussi dans voilà qui était honnête même en voilà qui savait critiquer son propre club, donc ça c'est personne le fait aujourd'hui hein, puisque on n'a jamais vu Olas critiquer ses joueurs hein, non puisque voilà aujourd'hui les présidents c'est la mode de dire oh mais il protège son groupe, ah oui voilà bien. Bah oui bon bah lui voilà, et donc Nicolin lui il a jamais protégé qui que ce soit. Donc c'est vrai que bah, ça va laisser un grand vide, parce qu'aujourd'hui les présidents, même ceux qui me sont très sympathiques, comme le président de Nice River, qui est très bien, mais bon voilà, les mecs, quand tu lui poses une question, bah la langue, c'est toujours la langue de bois, c'est des phrases toutes faites. Et ça c'est chiant parce qu'au moins Nicolas, quand tu lui demandais et ce joueur-là, à votre avis, il paraît qu'il y a une rumeur qui va venir chez vous, bah lui il te disait carrément, ou il te disait non mais ça va pas, moi un mec comme ça j'en veux pas. Certainement pas qu'il viendra à Montpellier, ou alors il disait, mais bien sûr qu'on va tout faire pour le prendre. Pour l'instant, il y avait. C'est ça qu'on voulait. Voilà. C'est compliqué. Bah justement, tu fais un petit peu référence à Raspantino qui avait signé à Marseille et puis qui était pressenti pour aller à Montpellier, et lui il avait fait exprès de décorcher son nom en disant mais c'est pas un joueur comme ça qu'il faut pour Montpellier. Enfin, il l'avait tourné dans la sauce Nicolin pour dire que ce joueur-là ne signerait jamais à Montpellier, quoi. Non, puis moi ce que j'ai bien aimé, parce que bon, c'est que quand Nasri avait critiqué la France, puis surtout par le biais de sa petite amie à l'époque, oui. Hein, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là on part aussi sur une un QI mental très très élevé. Il avait dit mais moi Nasri, mais même gratuitement, j'en veux pas, bon, j'en voudrais même pas, Montpellier. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on avait besoin, c'est des mecs qui ramènent un peu tous ces joueurs de foot actuels, qui sont quand même, voilà, c'est ce qu'on en pense. Bah, il les ramenait à une réalité, qui est la réalité qu'il faut se battre et qui sont salariés par lui. Mmh. C'est lui le patron, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que dans une entreprise, voilà, ton patron, bah, s'il n'est pas content de toi, il te le dit, puis s'il veut te virer, il te virera. Donc, les joueurs de foot sont relativement protégés par rapport à ça. Et lui, il était là, je pense, pour ramener un peu tout le monde au niveau que ça doit être. Puis c'est pareil, tu vas en convenir, je pense, avec moi. Un président de club qui prend un club presque à la dérive dans les années 70 en DH. Mmh. Et aller aussi loin, alors certes, hein, c'est pas une bête de guerre qui va tout le temps en Ligue des Champions, ils ont juste connu une année, la Ligue des Champions, ça s'est pas forcément bien passé, mais d'aller aussi loin avec une équipe en ayant presque un seul sponsor et un seul président, ouais. Pas beaucoup de fonds, et d'aller aussi loin, franchement, c'est le foot, enfin, pour moi, c'est le foot qu'on aime, quoi. Non, mais c'est un équipe. Ah ouais. Mais, en fait, mais déjà. Vas-y Yesha, vas-y. En fait, je pense que avant il y avait quand même. Je pense que vous pouvez le dire parce que vous êtes plus âgé que moi, vous avez plus d'expérience que moi au niveau foot. C'est avant il y avait l'amour du foot, si vous voulez. Voilà. C'était bien plus important que l'argent. Or, je reprends une phrase de Retroplay quand tu as dit. Hein, les entraîneurs aujourd'hui ils protègent leur groupe. Moi, je dirais qu'ils protègent leur sous. Je fais l'allusion parce que aujourd'hui c'est plus on va pas trop critiquer parce que si jamais ça fait des histoires à l'intérieur, les médias vont balancer ça, donc il va falloir s'expliquer, on va peut-être virer l'entraîneur ou peut-être enfin vous voyez, il y a toute cette histoire d'une organisation tout ça c'est un champ lexical de l'argent, c'est-à-dire que voilà, je veux garder ma place, donc il faut que je sois aseptisé. Or avant il y avait quand même beaucoup plus de virilité sportive, si je peux dire ça. Ouais. Il y avait plus il y avait plus d'envie, et là ça se perd. Le fait qu'un grand homme du football soit parti, c'est un signe, c'est pour dire que il y a une page du foot qui se tourne. Ça va sentir dans les années qui suivent, hein. Je veux dire, l'argent prend le pas, c'est pas en mettant 48 équipes pour la prochaine Coupe du Monde, pour les prochaines Coupes du Monde, que ça va s'arranger. Bon, c'est un autre débat, mais c'est un exemple parmi tant. C'est sûr. Et il y a aussi le truc, bon, il a connu des moments de gloire, il a connu des moments de gloire aussi en 90 avec l'arrivée de Cantona, il y avait Stéphane Paille aussi, paix à son âme aussi, qui nous a quittés quelques jours avant Nicolin, il a connu des grands moments, il a connu des très mauvais moments, il a connu la joie de la Ligue 1 en 2012, il a connu la joie d'avoir des grands joueurs dans les années 90, en étant par exemple éliminé en Coupe des Coupes contre Manchester dans les années 90, c'était pas rien non plus. Il a connu des hauts et des bas, mais Montpellier a toujours été au rendez-vous quand il fallait. Voilà, alors juste avant de continuer sur Loulou Nicolin, comme vous avez pu le constater, Gabi n'est pas là ce soir, mais j'ai pu prendre un petit peu sa réaction cet après-midi. Et il évoquait, avec à juste titre, que c'est un personnage de plus qui disparaît sur le plan du football français. Ouais, au niveau des grands présidents français, on avait, et entraîneurs, on avait Giroud. On avait des gens aussi comme l'entraîneur de le président du FCMS, oui. Molinari. Il y a pas mal de dinosaures qui sont en train de disparaître petit à petit. Il y a Gervais Martel encore qui est là. Oui. Malheureusement, c'est des gens qui évoluent en Ligue 2 pratiquement, quoi. Donc ils sont plus sur le devant de l'affiche. Mais Nicolin, c'est vrai que pour tout ce qu'il a apporté au football français. On peut que tout ce qu'il a fait, quoi. Dans un autre style de Colas, parce que Colas, il a apporté une présidence un peu plus moderne, on va dire plus commerciale, avec son implication en bourse, mais Nicolas, c'est la vieille école qui perdure. C'est un peu les années baisse tapis qui ont continué un peu plus longtemps. Il avait une relation particulière avec ses joueurs, surtout, quoi. C'est surtout ça que je retiens, et puis, il y a plein d'anecdotes sur lui avec Valderrama qu'il avait ramené plein de grands joueurs, oui, et c'est oui. des joueurs à qui il avait tout offert quand ils sont arrivés en France. Et faut se rappeler que Montpellier à l'époque c'est une équipe qui a même pas un stade de 25 000 places quoi. Ouais. C'est un stade minuscule, un peu comme la Baie des Champs. Et il est arrivé à faire revenir des grandes stars quoi, comme Julio César, enfin bon c'était Roger Millard. Voilà, c'était le ressenti de Gabi. Si je peux continuer un petit peu vite fait sur Nicolin, tout simplement, il a connu les années fastes dans les années 90. Quand j'avais lu le livre de Cantona, Cantona avait dit je suis arrivé à Montpellier, j'ai demandé à Nicolin si je pouvais ramener quelques joueurs. Il avait appelé Stéphane Pay, il avait appelé Guérin, il avait appelé Laurent Blanc. Non, Laurent Blanc, il était déjà, je crois, à Montpellier, si je dis pas oui, de bêtises. Il était déjà formé au club. Il était formé au club, mais bon, il a fait ramener pas mal de joueurs. Malheureusement pour Stéphane Pay, ça a bien marché. Son duo a bien marché dans les premiers matchs de la saison. Parce qu'en plus c'était un duo qui était assez redoutable avec l'équipe de France Espoir entre Cantona et Stéphane Pay. Puis malheureusement pour Stéphane Pay après ça s'est un petit peu gâté et bon lui aussi il a commencé à décliner dans les années après son arrivée à Montpellier. Mais voilà, c'était un Montpellier qui était beau à voir, c'était Cantona Montpellier, ça te donnait envie de regarder Valderrama, ça te donnait envie de regarder à l'époque, c'est bête à dire, mais voilà, c'était du beau football. Rétro, tu voulais rajouter quelque chose sur Nicolin aussi? Bah donc oui, c'est quelqu'un qui avait réussi plusieurs gros coups dans le monde du foot. Puisque déjà en 81, quand ils sont montés en division 1, seuls les anciens sauront de quoi je veux parler au niveau de l'impact que ça a pu avoir. Ce que je voulais dire aussi, c'est vous connaissez le premier grand joueur qu'a pris Nicolin, en fait, c'est en 74. Il est arrivé à faire venir, dans cette saison 75-76, il a réussi à faire venir Fleury Dinalo. Alors bon, c'est sûr pour les plus jeunes, Fleury Dinalo, ça veut peut-être rien dire, mais c'était. Ouais, mais c'était énorme. Voilà, c'était énorme. Vas-y, t'as qu'à en parler. L'ancienne gloire de l'OL. Voilà. C'était un grand buteur de l'Olympique Lyonnais dans les années 60-70. Voilà, c'était un petit peu le. On pourrait dire, je sais pas, qui on pourrait le comparer, je sais pas. C'était un des grands. C'est compliqué, mais voilà. C'est comme si. Je te dis une bêtise, mais c'est comme si aujourd'hui, c'est pas évident à comparer, mais c'est comme si aujourd'hui t'as une équipe de Ligue 1 qui est dans les 10 premiers du classement, ouais. qui a un buteur vedette, et qui signe en CFA2, quoi, pour sa dernière année de carrière. Voilà, c'est. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui comme buteur, j'ai du mal à. Bah disons que allez pour dire c'est un peu un Thierry Henry de la grande époque dans ses dernières années de carrière qui signe en CFA2 ou en DH quoi, voilà, c'est un peu ça exagérer dans le truc, et ça c'est son premier gros coup et ce sera un gros coup qui lui sera salvateur parce que ils vont pas arrêter de monter et puis comme tu dis jusqu'en la saison 80-82, ou c'est ça, hein, ouais, c'est bien la saison. Où là, vraiment, le recrutement en 81, c'était assez impressionnant. D'ailleurs, c'est assez inexplicable qu'ils n'aient pas réussi à se maintenir avec l'équipe qu'ils avaient. Mais c'est vrai qu'ils ont fait l'ascenseur direct, ouais. Il a vraiment recruté, je te dis, Victor Oscar Trocero. Donc, pour les anciens, c'était vraiment un super joueur. Il venait de Monaco. Avant, c'était la vedette du FC Nantes. Et voilà, après, il te fait venir Santini de Saint-Etienne. Cuisinho, Joanim, Daniel Zorzetto, qui était un défenseur très expérimenté de l'AS Monaco. Donc vraiment cette équipe-là, elle avait vraiment de la gueule et la mayonnaise, par contre, n'a pas du tout marché, mais sur le papier, c'était une très belle équipe. C'est sûr. Et toi, Yesha, est-ce qu'en Angleterre, il y a un homme qui est un peu comparable à Loulou Nicolin? Est-ce que toi, t'as en tête, un homme un petit peu comparable à lui parce qu'en Angleterre, est-ce que les présidents ont leur mot à dire? Est-ce qu'il y en a qui parlent comme ça sans retenue, ou est-ce que c'est trop assez aseptisé? Parce que en France, on n'a pas trop les conférences de presse, on n'a pas trop les il faut beaucoup parler les entraîneurs, les joueurs, mais après les présidents, on les écoute jamais bien parler en fait. Bah alors, en Angleterre, c'est très aseptisé. Oui. Je vais expliquer pourquoi. Parce que en Angleterre, il y a bon les présidents déjà, ils sont très riches. C'est ouais. quelque chose qu'il faut savoir. Et donc, ils vont pas se permettre de s'exposer, si vous voulez, s'il y a un problème, s'il y a une crise footballistique. On a bien vu à Manchester United entre 2005 ou je sais plus 2006 où ils s'étaient fait éliminer dès les poules. Ouais. Il y avait Benfica, je sais plus, enfin bref, ils se sont fait, même ils avaient perdu 1-0 face à Lille. Mmh. Je me rappelle. Manchester c'était Manchester United. Ouais, je m'en souviens, oui. Et donc voilà, il y avait une période de crise et justement les gens se sont étonné de ne pas avoir vu le président, ou c'était plus Ferguson qui faisait le boulot. En fait, on sent bien que le président, il est juste là, en fait, si vous voulez, pour être actionnaire, si vous voulez, il se concentre que là-dessus, mais pas sur ce qui est média, d'expliquer le pourquoi du comment. C'est pour ça que je trouve qu'en France, on a beaucoup plus de franc-parler, si vous voulez. Bah, puis on est réputé pour ça, hein. Les Français seront toujours réputés aussi pour être des grands gueulards, des gens qui râlent tout le temps. Donc, mais ça va se perdre, surtout, bon, pas forcément les Français, mais au niveau du foot, ça va se perdre et c'est vraiment dommage. Tu veux rajouter quelque chose d'autre rétro dessus, parce que sinon après on va épiloguer, on va passer à autre chose. Mais si tu veux rajouter quelque chose d'autre sur Nicolin, y a pas de souci. Non, y a rien à dire, sauf que voilà. Ce que je voulais juste préciser, c'était que malgré ses sorties fréquentes, c'est quelqu'un qui visait assez juste quand même dans ses propos. Et surtout, si on fait un peu le bilan, c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de pleurnicher sur l'arbitrage quand même. C'est vrai. Voilà, il s'en prenait à des gens, mais je l'ai rarement vu se plaindre de l'arbitrage. Pas comme certains, voilà, je vais pas en reparler. Mais voilà, aujourd'hui les présidents, que je rappelle, ne sont que des fusibles, se cachent toujours derrière l'arbitrage parce que, comme l'a dit aussi Yesha, ils protègent leur groupe, protègent leur argent. Voilà. Alors j'avais interrogé aussi Gabi justement, on avait parlé un petit peu de la Coupe d'Europe dans les années 90 et je lui ai demandé quel était pour lui son plus beau souvenir en fait sous l'ère Nicolin. Ouais voilà, Manchester, ils font un super match aller à Manchester avec le 1 partout. Ils jouent un jour avant je crois ou un jour après. Je crois qu'ils jouent un jour avant l'OM qui se déplace à Milan en fait. Ouais. Si je me souviens. Et non, ils font un super match au match aller et puis malheureusement au match retour, il y a Barabé qui se loupe complètement et qui met en l'air un peu les chances de Montpellier de passer ce tour-là. Alors comme on dit, qui mange la feuille de match, quoi. Ouais, voilà, c'était largement accessible en fait à la vue du match, quoi. Il n'y avait pas une grosse différence. Après, je crois qu'il y a un carton rouge avec William Prugnot au match aller, je crois, au match retour, je sais plus. Et c'est dans quel match où il y a le terrain qui est exécrable, qui est trempé, des trucs comme ça? C'est match aller, c'était à Montpellier, non? C'est au match aller, hein. Ouais. C'est au match aller, ouais, à Manchester. À Manchester, oui. Il y a un but très rapide en début de match de Manchester, et puis après, il y a l'égalisation qui vient après. Mais sur cette campagne de Coupe d'Europe, l'anecdote principale, c'est qu'ils éliminent PSV Eindhoven, le vainqueur de la Coupe précédente. Ben, évidemment, en fait, ouais. Deux années, je crois qu'il y a 2 années d'avant, il gagne la Coupe des Champions à Eindhoven, je crois. Non, il gagnait la Coupe de l'UEFA. Ouais. Je m'en souviens, je l'avais fait sur PS 2013, pour ça. Ah d'accord, ok. Avec, je crois qu'il y avait Denis Bergkamp déjà ou pas, je sais plus. Ah non, Eindhoven, non, il n'y avait pas Denis Bergkamp, il a joué qu'à l'Ajax. C'était quel avant-centre qu'il y avait? Kieft. Qui avait, Kieft, ouais. Il y avait un avant-centre très connu à Eindhoven, ouais. Ancien de l'Ajax. Ouais, non, voilà, c'est ils ont fait une belle campagne de Coupe d'Europe après avoir vaincu je crois que c'est le Racing en finale de Coupe de France, c'est ça? Ouais. Ouais. Et c'était une belle épopée, ouais. Voilà, c'était la réaction de Gabi hein, sur son meilleur souvenir sous l'ère Nicolin. On va épiloguer juste un dernier mot sur Nicolin. Ça a été le précurseur tout de même du football féminin français. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne le sait pas trop, mais Montpellier, dans début des années 2000, c'était une équipe aussi redoutable que Lyon maintenant. C'était pas professionnel. mais c'était une grande équipe de foot, c'était un petit peu le précurseur du foot féminin, et comme avec l'équipe masculine, ils chouchoutaient les joueuses autant que les joueurs masculins, quoi. Voilà, donc on a épilogué avec Loulou Nicolin, et on va parler maintenant de la... On va parler rapidement de la Coupe des Confédérations qui s'est tenue il y a quelques jours de cela maintenant, qui a vu la victoire de l'Allemagne dans une finale face au Chili, victoire 1-0. On va parler un petit peu rapidement de ce qui s'est passé avant, mais voilà, bon, c'est une Coupe des Confédérations. Bah vas-y, dis ce que tu étais en train de dire hors antenne, Yesha. Par rapport à cette Coupe des Confédérations. Déjà que elle était, on va dire que les joueurs ont fait plutôt acte de présence plutôt que de se donner à fond. On sait très bien que l'année d'après il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc je pense que c'est une compétition. Il fallait être là, mais il fallait pas se blesser parce qu'il y a une saison déjà, parce qu'avant la Coupe du Monde il y a quand même une saison à envisager. Bien sûr. Et voilà, on y va. La preuve c'est que par exemple le Portugal qui a fait un parcours très moyen, bien c'était pas sensationnel. Et quand il a fallu faire le match de la troisième place, Cristiano n'était pas là. Et en plus, le Portugal a gagné, donc c'était un peu... c'est limite si les gens préféraient perdre avec Cristiano que de gagner sans Cristiano. C'est sûr. C'est possible, c'est possible. Il y a une ambiance comme ça. C'est-à-dire, ils ont... Voilà. Et bon, après, la finale, pour reparler vite fait, ils ont gagné 1-0, l'Allemagne, voilà. Or, l'Allemagne, on sait très bien qu'ils ont l'habitude des gros scores. On a vu de grosses équipes, Sauf en finale. Sauf en finale, voilà. Et donc là, c'était un peu... Et puis, il n'y avait pas toute l'équipe, vraiment, de l'Allemagne, il faut dire ce qui est. Donc, non, ils ont gagné, mais pas surpris non plus, quoi. C'est-à-dire, c'est une compétition... Enfin, c'est une compétition où, voilà, on voyait bien l'Allemagne gagner, sans... de surprise. Voilà, c'est sûr. Pas forcément plus. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on s'attendait tous à une finale Allemagne-Portugal parce que voilà, ça aurait été beau sur le papier, un Allemagne-Portugal plus qu'un Allemagne-Chili. J'ai regardé un petit peu la finale. Alors moi, j'avoue, j'ai pas tout regardé de cette Coupe des Confédérations, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis bon, je pense qu'en Angleterre, c'est sur Sky Sports que ça a été diffusé, peut-être, non? Oui, ça a été, oui, sur Sky Sport, ouais, sur le câble. C'est sur le câble. Bon, après, en France, à l'époque, c'était TF1, je me souviens, qui retransmettait les matchs. Mais là, c'était sur SFR Sport, donc tout le monde ne l'a pas. Et quelques matchs étaient sur TMC, voilà. Bon, ça, c'était sur la TNT. Mais, voilà, on sait que, comme tu dis, que c'est pas une compétition où tout le monde va la jouer à fond, hein. Le seul match que j'ai regardé en entier, c'est un Cameroun-Australie. Où il y a eu un partout, mais c'était un match d'un ennui à mourir, sans déconner, où le Cameroun, on voyait que le Cameroun s'en foutait complètement de cette Coupe des Confédérations. T'avais l'impression devant que t'avais le Cameroun, c'était des mecs qui faisaient deux passes, la troisième passe à chaque fois elle était mal dosée, c'était pour l'Australie. Enfin, j'ai dit, disons. Les gens sont fatigués. Ouais, mais voilà, mais les gens font, voilà, ils font une soixantaine de matchs pour certains l'année. 60 matchs, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup. Hein. Je sais pas, dans les années 80, rétro, ils faisaient pas autant de matchs. Ils faisaient quoi, une quarantaine de matchs, même pas. Oui, mais là, moi, je pense que cette coupe-là, il doit y avoir de l'argent derrière. Mais bien sûr. Sinon, dans le calendrier, c'est une coupe qui ne sert à rien. Et les joueurs, ils sont cramés déjà quand ils arrivent là. Bien sûr. Parce que, alors, loin de moi l'idée de plaindre les joueurs actuels, mais t'es joueur pro aujourd'hui, tu t'es enquillé, t'es un international, t'as joué la Ligue des Champions, t'as été assez loin, t'as fait ton championnat, t'as fait ta coupe nationale. Bon, t'es un peu cuit, et on te demande fin juin, début juillet d'aller encore jouer. Et franchement, voilà, à un moment donné, stop, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est... Alors, le parallèle va peut-être un peu hasardeux, mais moi, mon petit, tout petit, minuscule niveau, moi, mon fils joue au foot, voilà, je suis passionné, je le suis tous les samedis, on y va et tout. Mais à un moment donné, même si t'aimes le foot, trop, c'est trop. Ouais. Et à un moment donné, ils ont fait des tournois sur le mois de juin, et même moi, j'avais envie que ça s'arrête, parce qu'à un moment donné, la chaleur, la fin de saison, t'en as plein les bottes, t'es fatigué, prend plus de plaisir. C'est sûr. Donc, c'est pas étonnant que tu aies des matchs de purge comme tu as vu avec le Cameroun. Et voilà, moi je pense que ça c'est une coupe qui sert strictement à rien. C'est vrai. À rien. Parce qu'au pire, tu la gagnes, tu dis, bon, bah, j'ai gagné la Coupe des Confédérations. Ah, super. D'accord. Non, non, mais voilà. Yesha, tu voulais dire quoi, justement? Oui, non, je voulais juste revenir sur ce que disait Retroplay. C'est vrai que c'est une coupe voilà, qui n'a pas lieu d'être. C'est un peu comme la Copa América centenaire, oui. Ça aussi. Alors que l'année d'avant, il y avait celle de 2015. Peut-être même pour donner une occasion à Messi de gagner un trophée international, peut-être, je sais pas. Mais enfin, voilà, il a loupé les deux. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, toujours mettre des compétitions, alors qu'on sait, c'est des humains, je veux dire, à un moment, ça se fatigue. Je sais pas s'il leur donne des produits bizarres, chelous. En tout cas, bref. Ça, l'Allemagne, peut-être. Ouais, enfin, voilà, c'est une autre histoire. C'est tout ça pour dire que c'est vrai que, voilà, il y a un moment, le corps, il peut pas suivre. Bah, donc, oui. Pas étonnant qu'après, il y ait des compétitions comme la Coupe de Confédération. On voit tous les jours, on se dit, ils vont se donner à fond, et finalement, il n'y a rien. Tu dépenses ton argent pour rien. Je sais pas, pour ceux qui sont allés voir les matchs, payer les places pour aller voir Cristiano ou je sais pas Alexis Sanchez ou les Camerounais, tu vois. Mais je veux dire, sur le moment, voilà, c'est, ils sont fatigués. Et puis bon, moi, en voyant le peu de matchs que j'ai vu, les stades n'étaient pas pleins déjà. L'ambiance, c'était pas exceptionnel, peut-être mis à part la Russie, et encore la Russie qui a pas montré grand chose de cette compétition. Mais non, bah à l'époque c'était années 80, début 90, c'était la coupe comment ça s'appelait, la coupe intercontinentale, c'est ça, opposant le vainqueur de l'Euro à, c'était ça, hein, vainqueur de la, ouais, vainqueur de l'Euro, ouais. Opposant au vainqueur de la Copa América. C'est ça. Donc t'as eu un France Uruguay en 85, pardon. Ouais. Voilà, bon. Après, j'ai jamais compris pourquoi le vainqueur de l'Euro et pas le vainqueur de la Coupe du Monde. Ouais, non, mais de toute façon, il y avait déjà des intérêts qui nous dépassaient là. Voilà. Mais non, mais voilà, trop de football, plus de football, c'est comme en France. Moi, je suis navré qu'aujourd'hui la Coupe de France n'ait plus aucune valeur. Ça, c'est très triste. Ouais. Parce qu'avant, c'était une fête. La Coupe de France, c'était vraiment. Et c'est la Coupe de la Ligue qui a tué la Coupe de France. Hein, c'est tout ça. Simplement. Hein. Mais la Coupe de la Ligue, pour moi, ne sert à rien. Et d'ailleurs, voilà. C'est ce qui est lamentable, c'est que même maintenant, la Ligue Europa, certains clubs français ne la jouent pas. Donc. Bah, c'est ça. Parce que c'est plus la Coupe d'Europe d'antan. Avant, je pense que pour qu'il y ait un attrait, peu importe la compétition, il faut qu'il y ait un enjeu fort. Voilà. Donc si tu joues des matchs de poule, excuse-moi, mais l'enjeu il est quoi? Tu calcules, tu dis bon allez là j'ai fait match nul, bon bah allez si on gagne le prochain match on est qualifié. Voilà. Alors que si tu joues en match aller-retour, bah là t'as pas le droit à l'erreur et voilà. Donc le problème c'est que tant qu'il y aura ces systèmes de phase de poule dans les Ligues des Champions et surtout en Ligue Europa, et bah ça sera d'un ennui total. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. Et ou alors s'ils veulent pas pour la Ligue des Champions refaire un système d'aller-retour, qu'ils fassent une Coupe des Champions avec que les vainqueurs des équipes de premier plan, pas vainqueurs de l'équipe moldave ou de je sais pas quoi, parce que ça va devenir plus intéressant malheureusement. Bon là on est en train de dériver, mais ça montre un petit peu maintenant la FIFA veut encore inventer moult et moult je pense qu'à terme ils vont nous inventer des compétitions. Et ben mais là à partir de 2017 il y a le championnat d'Europe le championnat d'Europe des nations, je sais pas comment ils vont appeler ça, mais ça va être l'équipe de France qui va rencontrer les Pays-Bas, l'Angleterre. Ils vont se rencontrer entre grosses nations et puis les petites nations se rencontreront entre elles en fait. Ça va faire un peu un système comme au hockey avec la première division des nations, la deuxième division, enfin tu vois, ça va devenir n'importe quoi. Ouais, carrément. Non mais notre ami Infantino, là je crois que c'est un grand malade, hein, mais bon, ça on en parlera une autre fois. Ça va être dans la continuité de Blatter. Et tiens d'ailleurs, en parlant un petit peu de la FIFA, on se rend compte que, enfin j'ai écouté tout à l'heure, que Platini, sa sanction qui était de 8 ans, je crois, de suspension de toute activité du football, vient d'être baissé à 4 ans. Ouais. Et là, les avocats essayent de tout faire pour qu'il soit relaxé, au moins qu'il ait le moins possible de peine à purger, mais ça le ferait revenir, sinon, en 2019, dans le monde du football. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il a tout perdu, de toute façon, Platini. Hein. Ouais, je pense qu'il ne reviendra pas. Voilà. C'est un très bon joueur. Bon après, ce qui est en dehors du sport, c'est moins glorieux. Malheureusement, c'est moins glorieux, mais c'est un pion qui est tombé et malheureusement les grands qui étaient avec lui n'ont pas eu grand chose en fait. C'est ça le gros souci. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Bon, on a beaucoup dévié de la Coupe des Confédérations, mais que dire vraiment de cette coupe-là, parce que bon, voilà, il y avait certains matchs qui pouvaient être beaux, mais on voyait les joueurs qui avaient pas forcément envie de jouer. Et surtout, voilà, on va arriver à cette nouvelle technologie de la vidéo pendant les matchs, qui a été quand même certains matchs, dont le Portugal-Mexique, qui a été gâché par ce système de vidéo, car à chaque but du Portugal et je crois même du Mexique, l'arbitre demandait à ce qu'il y ait la vidéo pour voir si le but était bien inscrit, s'il n'y avait pas un hors-jeu. Enfin, si ça devient comme ça, franchement, ça va être dégueulasse le football, quoi, parce que tu sais, tu vas pas être sûr de que ton but soit marqué, tu vas être obligé de te retenir avant d'exploser de joie. Il va plus y avoir cette petite liberté qu'il y avait avant. Les matchs vont devenir stériles, quoi. Tu sais que l'autre, eh ben, il aura gagné sans avoir triché, même qu'on n'aime pas la triche. Il y avait toujours de quoi parler. L'OM en 91, la main de Vata, en 90, la main de Vata, voilà, bah, ça a fait parler pendant des années et des années. Voilà, t'avais de quoi discuter là-dessus. Il y a eu d'autres faits de matchs où il y a eu de la triche, et puis voilà. Mais là, avec la vidéo, j'ai l'impression que le foot, ça va devenir, il n'y aura aucune triche, et puis on va gâcher le plaisir d'un match en essayant de faire venir à chaque fois la vidéo pour voir s'il y a eu faute, s'il y a eu but, s'il y a eu ci, s'il y a eu ça. Franchement, moi je comprends Platini qui ne voulait pas justement ce système vidéo. Il avait totalement raison en disant que ça va complètement gâcher le plaisir du football, quoi. Il avait pas tort, hein. Oui, c'est clair. Puis surtout, c'est que les matchs maintenant avec ce système-là, ils vont durer 100 minutes au lieu de 90. Voilà. Parce que tu vas passer 10 minutes de palabres. Non, c'est ouais, ça tue le spectacle, c'est lamentable. Toi, t'es pour Yesha, la vidéo, là, système vidéo dans les matchs? Système vidéo, déjà j'étais surpris la première fois par rapport à cette nouvelle technologie. C'est, excusez-moi d'être un peu rétro sur le coup, hein. Ouais. C'est la Coupe du Monde 2006 avec Zidane et Materazzi. Oui. Donc je pense certainement que s'il n'y avait pas eu ce système-là, de cette technologie, on n'aurait pas vu ce coup de boule. Ça aurait pas été aussi évident pour l'arbitre qui est sur le terrain de sanctionner Zidane. Donc déjà je pars d'un très mauvais pied avec cette technologie. Bon, maintenant c'est compliqué, hein, parce que entre, vous savez, quand les ballons, quand il y a un attaquant qui tire et que ça va sur la ligne, est-ce que c'est sorti, pas sorti, ça va devenir comme du tennis. C'est ça. Donc voilà, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Je sais pas. Alors, c'est une. On va essayer moyen de mettre de l'argent de côté. Ouais, voilà. Alors, on peut être, allez, on va dire, moi j'ai envie de dire, bon, ils ont testé pendant la Coupe des Confédérations. Pour moi, c'est un échec. Après, je pense que c'est à eux, s'ils veulent absolument utiliser ce système de vidéo, faut qu'ils fassent, qu'ils mettent des règles, qu'on l'utilise pas toutes les 30 secondes pour voir si ou ça. Faut vraiment l'utiliser quand on est vraiment pas sûr de quelque chose. Et puis le reste du temps, si l'arbitre de touche, il a pas vu un hors-jeu, si l'arbitre de touche, il a pas vu une main dans la surface, c'est pas grave, il y a eu but. Ce sera gênant pour celui qui s'est pris le but, mais bon, écoute, ça fait partie du jeu, hein. Il y a toujours eu ce sentiment d'être volé dans certains matchs, il y aurait toujours eu un petit peu d'injustice, mais ça faisait partie du jeu. Maintenant, je pense pas que ça apporte un attrait au football, hein, je sais pas, enfin c'est compliqué, c'est très compliqué de parler de cette vidéo, mais on est sûr d'être tous pour le moment un peu dubitatifs sur ce système, quoi. Oui, non, mais c'est contre-productif, c'est clair. Voilà, si vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur cette vidéo. Non, je pense que tout a été dit, voilà. Hein, c'est compliqué, c'est un débat déterminé. Bon épilogue sur cette Coupe des Confédérations. On va parler un petit peu des infos transferts de cette semaine. Alors les plus gros titres qu'on a pu voir, c'est Luis Gustavo à l'OM, l'ancien joueur de Wolfsburg, un international brésilien. Bon, moi, en tant que fan marseillais, c'est vrai que c'est surprenant de voir un joueur de qualité. Hein. Bon, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, hein, parce que voilà, faut absolument comparer à des joueurs comme eux. Mais voilà, c'est une bonne surprise parce que ça aurait été encore l'ancienne présidence. On n'aurait jamais eu un joueur de ce calibre dans le club. Hein. On serait tapé un pauvre joueur de deuxième division ou d'une division inconnue en Europe. Voilà, je pense qu'il il va apporter quelque chose au club. Et puis là, on attend normalement Rami qui va arriver normalement avec Pamela Anderson, hein, parce qu'ils ont eu, il paraît, une idylle entre deux. Voilà. Mais il va y avoir des grands noms qui vont arriver à Marseille. Bon, bah, pour moi, le supporter, je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Après, à voir ce que ça va donner sur le terrain aussi, quoi. Hein. Bah, ouais, le problème de Luis Gustavo, c'est qu'il y a 5 ans, c'était une pointure. Voilà. Voilà, il joue au Bayern. Hein. Voilà, ça l'est un peu moins. Et sans être médisant, bah, c'est pour ça que Marseille peut le choper maintenant. Bah, bien sûr, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, moi, ce qui m'inquiète, pas que ça m'inquiète, mais ce qui me... ce qui prouve qu'en France, de toute façon, on est quand même très limité, c'est que Marseille, voilà, ils sont sur qui en ce moment? Bah, tu l'as dit, Rami. Bon, ok, super. Bon, Valère Germain, très bien, c'est un bon petit joueur de Ligue 1. Le souci, c'est que c'est pas l'envergure qu'avaient annoncé les dirigeants, si tu veux ce que je veux dire. Ouais. Tu vois? Donc, c'est bien, il faut bien démarrer. Je pense que de toute façon, tu n'amènes pas des grands joueurs comme ça d'un coup. Mais je trouve qu'ils se sont peut-être enflammés un peu, là, les dirigeants, avec leur champion de project. Là. Pour l'instant, et pour les journalistes, notamment les plus calés comme RMC le disent, ça ressemble plutôt à du Ligue 1 top 3-4 project, mais ça va pas plus haut que ça. Quoi. Et disons que je pense qu'ils ont parlé un petit peu trop vite. Ils auraient dû... En fait, je pense que champion de project, ça va pas se passer dans les 3 premières années de l'arrivée de McCourt. Je pense que c'est sur une lignée. Ils pourront pas réussir ce qu'a réussi Tapie à faire. Hein. C'est pas possible. Non. Peut-être sur la continuité, ils arriveront à faire quelque chose. Et puis là, Marseille ne joue que la Ligue Europa. Et comme on disait tout à l'heure, la Ligue Europa, ça fait pas rêver. Donc un joueur, il va pas aller à Marseille pour jouer la Ligue Europa. Lui, ce qu'il veut absolument, c'est la Ligue des Champions. Voilà, donc peut-être que si l'année prochaine, je croise les doigts pour moi, j'espère que l'année prochaine, Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions. Et peut-être que là, ils arriveront peut-être à taper dans du plus gros. Mais là, cette année, non, ça va être encore une année de transition. Hein. On disait que l'année dernière, c'était une année de transition, mais ça va pas se passer comme ça. Va falloir au moins 2 ans pour essayer de mettre en place une grosse équipe et de jouer les premiers rôles déjà en Ligue 1. Et puis après, essayer de jouer des rôles convenables en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. C'est sûrement le plus important pour l'avenir. Et après, ils pourront se dire, tiens, on va essayer de faire ce champion de project. Mais ça peut pas être maintenant, c'est pas possible. Non, c'est clair. Voilà, donc ça c'est une arrivée spéciale. Mais bah, tu vas nous en parler, Yesha, c'est l'arrivée de Lacazette à Arsenal. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors, en tout cas, pour le business, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où c'est le plus gros transfert d'Arsenal, déjà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Lacazette, quand il est venu, il a dit, je suis dans ce club parce que voilà... Son club de cœur. Voilà. Mais le problème, son club de cœur, il a dit ça pour l'Atlético aussi. Ça aurait été Fenerbahçe ou le FC Kapmandou, ça aurait été exactement pareil. C'est ça. Voilà, business quand tu nous tiens. Voilà. Il a dit oui, je suis là parce que bon, il y a des grands joueurs comme Thierry Henry qui m'ont inspiré dans ma jeunesse. Bon, j'espère avoir le suivre, être sur les traces de Thierry Henry. Bon, voilà, bon, ça c'est une belle parole. Oui, voilà. Alors, on va déjà, faudrait qu'il apprenne à tirer les pénaltys, notre ami Lacazette. Oui, voilà, et puis bon. Il les tire tout le temps au milieu, donc. En plus, leur orientage difficile, c'est il faudra qu'il éjecte Giroud, qui est déjà bien placé actuellement à Arsenal en pointe. Donc bon, ça va être encore un des défis à essayer de relever. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que voilà, Lacazette, de ce qui ressort de Sun Magazine ou de Daily Telegraph, c'est une bonne recrue pour Arsenal. Maintenant, il faut voir Lacazette, Ozil, Sanchez, voilà, il commence à y avoir des noms. Mmh. Donc Arsenal, en ce moment, c'est une équipe à surveiller pour la saison prochaine, pour les médias en tout cas, ouais. Sur le papier. C'est bon. Après, on verra, hein, vous savez, entre ce qui est écrit sur le papier et ce qu'on voit sur le terrain, surtout c'est récemment. Ça le problème. Voilà. Et toi, est-ce que tu penses qu'il va réussir à Arsenal ? Il va avoir, je pense, les 2-3 premiers mois, ça va être compliqué. Après, je pense qu'il peut exploser, je pense. Mais l'adaptation, on ne peut pas passer du football français au football anglais comme ça et être du jour au lendemain. Claquement de doigts, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Puisqu'on a bien vu les très grands Français qui ont explosé là-bas. On a bien vu Thierry Henry, il était à Monaco. Ouais. Il est passé en Italie, on a bien vu que ça n'a rien donné. Et après, il est venu en Angleterre et là, il a commencé à trouver ses marques. Et on a bien vu que Thierry Henry, il a eu quand même un petit chemin. Il a eu un bon petit chemin à faire avant d'être le Thierry Henry qu'on connaît d'Arsenal. Donc, ouais. Lacazette, ce sera pas différent. Après, c'est sûr que dans les années 2000, début 2000, Arsenal avait plus la hype que maintenant. Parce que moi, j'ai l'impression, qu'il avait tellement pas le choix, qu'il voulait absolument quitter Lyon parce qu'il en avait peut-être marre, et ça se comprend, qu'il a choisi Arsenal par défaut. Mais entre guillemets, hein, c'est un peu la loose d'aller signer Arsenal parce que pour moi c'est le club le trop facile parce que tu sais que Wenger, lui, il a toujours à la recherche du meilleur français. Et comme il a pas eu le choix, il a dit allez je vais aller à Arsenal. Mais après aller à Arsenal c'est pas forcément que bon, il peut se planter royalement là-bas. Hein, et planter sa carrière royalement en Angleterre, quoi. Mais bon. Après, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est qu'il n'a pas eu énormément de choix. Alors, il devait être pris normalement à l'Atlético, mais le problème, c'est que l'Atlético, ils ne peuvent pas recruter cette année, donc c'est déjà tombé à l'eau. Mais voilà, il avait tellement envie de partir que bon, il s'est dit, allez, Arsenal, j'ai pas le choix, je m'en vais à Arsenal. Voilà, mais c'est vrai, mais déjà. Atlético Madrid, ils ne pouvaient pas recruter, ils ont failli perdre Griezmann, donc ils n'allaient pas non plus ramener Lacazette, déjà qu'ils ne pouvaient pas. Et puis, même Griezmann, il a dit dernièrement, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, et Griezmann, il a dit, je suis resté à l'Atlético Madrid parce que c'est à ce moment-là qu'ils avaient vraiment besoin de moi, parce que là, ils étaient carrément dans le flou, le gouffre, changement de stade, et voilà, même on se pose des questions par rapport à l'Atlético Madrid, les résultats, parce qu'ils sont toujours dans le dernier carré, mais il n'y a pas, voilà, depuis 2014, ça traîne un peu. Ouais. Donc je pense qu'il est resté par fidélité que par pouvoir de l'argent. Parce qu'il y avait les sirènes de Manchester qui sifflaient, on disait regarde, il y a le numéro 7 qui est resté libre, allez, il est pour toi. Il a quand même résisté à ça. Et c'est bien. Hein. C'est comme Dembélé qui ne va pas au Real, qui préfère aller Dortmund. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est voilà, il y a l'amour du maillot qui prend l'ascendant sur le pouvoir de l'argent. Bien sûr. Et c'est un bon signe. Parce que, excusez-moi, c'est une expression, à force de retourner nos vestes, on finira par les avoir à l'endroit. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un peu ça. Et d'ailleurs, là, tu parles de Griezmann, il s'est séparé de son conseiller. Alors ça veut peut-être tout dire, parce que son conseiller, c'est peut-être lui qui avait dit à l'époque de faut que tu fasses tout pour que tu parles d'un départ, et puis bon, du coup, c'est un petit peu parti en sucette, il s'est un petit peu engueulé avec les socios de l'Atlético, et là, je vois qu'il a quitté son conseiller, donc je pense que c'est pour... c'est peut-être pour recruter quelqu'un de peut-être légèrement plus meilleur, et de se refaire une petite santé niveau image, hein, parce que c'est vrai que quand tu essayes de faire le forcing pour partir... Bon, il n'a pas fait le forcing comme certains, mais tu voyais qu'il avait envie de partir. Parce qu'il l'avait déjà dit plusieurs fois que dans des interviews qu'il voulait aller en Angleterre. Il avait même parlé de Manchester, il avait parlé qu'il allait partir. Et du coup, rien n'a été fait. Et bon, ça n'a pas plu aux supporters et c'est tout à fait normal. Hein, et comme, malheureusement, maintenant, un joueur ne peut plus parler librement ou n'a pas... Je vais être méchant, mais assez de cerveau pour parler seul d'un truc. Il a toujours conseillé par quelqu'un pour dire une phrase. Là, je vois qu'il quitte son conseiller, donc je pense que c'est pour essayer de se racheter une image un petit peu plus meilleure, quoi. Ouais, mais tu as raison, parce que le foot, c'est de la politique maintenant. C'est d'accord ça. C'est exactement c'est ça. Pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un président, un ministre, ne parle pas sans ses conseillers. Ben, joueur de foot, c'est pareil. Sauf que... Voilà, et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est très politisé, Et comme le disait Yesha tout à l'heure, effectivement, en Angleterre, c'est très aseptisé. Et en France, bah, on commence à être voilà, beaucoup trop aseptisé aujourd'hui. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en... Alors, s'il y a une grande hype en ce moment, alors j'aime bien utiliser ce mot hype, c'est en Turquie, les Turcs qui recrutent beaucoup de joueurs français. Notamment Jérémy Ménez, on a qui d'autre? On a Mathieu Valbuena, hein, qui lui disait que c'était une erreur qu'il soit parti dans un championnat de seconde zone en parlant de la Russie. Et là il s'en va en Turquie, il a été accueilli comme un Messi, pas le joueur mais comme un Messi, voilà, à l'aéroport, comme la plupart des joueurs en fait. Là il y a Gaël Clichy aujourd'hui qui a signé aussi en Turquie. Voilà, bon, c'est le nouveau championnat à la mode. Hein, il y a eu les États-Unis, il y a eu la Chine. D'ailleurs, Anthony Modeste, hein, qui était très très bon en Allemagne, qui a refusé toute offre en France et toute offre en Angleterre, qui a préféré partir jouer en Chine. Voilà. C'est un petit peu dommage, je pense, parce que c'est peut-être un joueur qui pouvait être aux portes de l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'il marquait but sur but en Allemagne, et là c'est un petit peu décevant que ce joueur-là aille en Chine, mais bon, je pense que l'argent, voilà, il va avoir un très très bon salaire et terminer carrière sur un pont doré, quoi. Parce qu'il y a une phrase qui est beaucoup utilisée en ce moment et qui pour moi est une provocation, c'est que certains joueurs osent te dire non mais j'ai besoin de mettre ma famille à l'abri, voilà. Ouais. Bah oui. Donc tu m'expliqueras comment les pauvres gens qui gagnent un SMIG, comment eux ils font pour se mettre à l'abri toute une vie, alors que ces mecs-là, ils ont des millions d'euros à l'année et ils disent « Ah mais je suis obligé d'aller là-bas pour mettre ma famille à l'abri ». Donc moi, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. Par contre, pour revenir sur la Turquie, c'est quand même un bon championnat. Hein. Il y a bons clubs. Oui, oui. Et surtout... moi, je connais beaucoup de, par mon travail et tout ça, je connais beaucoup de Turcs et on en parle souvent. Et effectivement, là-bas, le foot, c'est pas une passion, c'est une religion. Voilà. Donc, c'est grisant pour un joueur de foot d'aller jouer là-bas, parce que vraiment, les gens, les matchs de foot ont une ambiance incroyable. Par contre, c'est très dangereux parce que le public t'adore, mais il peut se retourner contre toi très très vite. Ouais. Donc, il faut faire attention en Turquie. Il faut mouiller le maillot, quoi. Sinon ça marche pas. Et quand tu marques un but, jamais mettre la main dans ton slip comme avait fait Pascal Nouma. Excuse-moi de vous dire ça, mais il y avait un média anglais qui a comparé vous savez, Vieira, Pires, Bergkamp, Thierry Henry, Anelka et Van Persie, tout ça fait 42,7 millions d'euros et la casette c'est 53 millions d'euros. Non mais c'est fou quand même, hein. Non mais ils ont fait la comparaison, ils ont dit là c'est bon, on va voir ce que va donner à la casette, hein, et ce qui sera à la hauteur de cette pression, de ce genre de pression. Bon, mais là on parle aussi de Mbappé au Real Madrid, mais imaginez le prix qu'ils vont payer pour Kylian Mbappé. Le prix qu'ils vont... ça va être impressionnant. À 19 ans, ouais. Vous avez déjà vu comment il s'appelle, Modeste? Non, pas Modeste, comment? Ah, et j'arrive jamais à retrouver son nom, mais c'est quand même fou, celui qui a signé à Manchester. Qui est en équipe de France, et que ça... Non, Martial. Ah, merci, Retro. Martial. Ouais, Martial, qui a signé à Manchester, qui s'est brûlé les ailes à Manchester avec une somme astronomique. Oui, je me souviens plus combien il avait été payé. Il fait deux premiers matchs exceptionnels. Tu dis, ouais, pourquoi pas, ça... Il montre des choses intéressantes, puis c'est complètement paumé. Bah, de toute façon, on en avait parlé, hein. Il a fait l'euro avec la France. C'est un échec total pour lui. Et puis cette saison-là, qui s'est passé, il était inexistant. Bah, il l'a pas aidé, puis il a été inexistant aussi, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais non, c'est tout ça pour dire que bon, là, c'est n'importe quoi. Il y avait aussi, excusez-moi, un autre transfert, c'est Jérémy Mathieu au Sporting. Ouais, bah qui devait aller à Marseille, et puis du coup ça s'est pas fait du tout. Alors en plus il a acheté une maison à côté de Marseille, alors ça voulait dire le mec qui achète une maison à côté de Marseille, c'est qu'il veut signer à Marseille, et du coup Marseille n'en a pas voulu, ils ont pas trouvé d'accord, et il a signé au Sporting Portugal. Bon, voilà, c'est un peu... Je crois que la maison est en vente sur le bon coin. Ça doit être ça, ouais. À peine acheté, il la revend direct, ouais. Voilà. Non mais c'est aberrant, tous ces transferts, ces montants de transferts. Mais moi, je voulais juste rebondir sur un point au niveau des transferts. Je t'en prie. Je trouve que nos clubs français, donc qui sont censés être puissants, comme Paris, bah, pour l'instant, Paris, il se passe pas grand-chose. Et les noms qu'on t'annonce, hein, le dernier nom, c'est Berchiche. Ouais. Hein. Bon, bah, je sais pas si tu le connais, moi, je... Ouais, mais bah, écoute, à vrai dire, ça me dit rien du tout. Je sais pas, toi, Yécha, voilà, qui est fan du PSG, est-ce que tu connaissais Berchiche? Il a joué en Angleterre. Il a joué en Angleterre il y a quelques années. Mais voilà, moi, je suis un peu effaré par ça. Parce que, bon, que Marseille balbutie un petit peu. Bon, les mecs, ils sont arrivés il y a 6 mois. Oui, voilà. Ils ont parlé un peu trop vite, Champions Project. Ils savaient qu'il y en a 2-3 mecs là-bas qui allaient croire qu'ils allaient gagner avec des champions, etc. Bon, ça fait toujours son effet. De toute façon, c'est normal. Ils vont pas dire, bon, on arrive à Marseille, on va peut-être pas y arriver, mais bon. Alors, tu sais que si, il y a eu une grande première, le président du Stade Rennais, sur RMC, il y a 15 jours, ils lui ont demandé quels étaient les objectifs du Stade Rennais pour la prochaine saison. Il a dit, nous n'avons pas d'objectifs. Et là, Dugarry et Benarbia, ils ont dit, mais il est fou ce mec. D'où que t'as vu qu'un chef d'entreprise, parce que le foot est une entreprise maintenant, ne donne pas d'objectif à ses joueurs ou à ses commerciaux, ça n'existe pas ça. Et ben le mec de Rennes, il te dit, oh mais ça sert à rien de mettre des objectifs. Ah bon, très bien. Donc bon, lui, je sais pas s'il a compris c'était quoi le football ou même le monde du challenge, hein, parce que pour avoir un challenge, faut mettre des objectifs. Bon, mais moi je suis effaré par le fait que Marseille aujourd'hui n'arrive pas à tirer entre guillemets mieux que des mecs comme Rami et qui ne sont pas capables de garder Gomis pour une raison uniquement salariale. Donc ça fait un peu peur sur les moyens qu'ils vont avoir. Ouais, c'est ça. Et Paris, moi je m'attendais à des noms, quoi. Du niveau de Draxler à l'hiver dernier, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là on te parle déjà de Pépé il y a 3 semaines. Bon. Bah, il a signé au Besiktas, oui, voilà. Hein, de toute façon. Donc déjà, voilà. Mais même Pépé, ça m'a jamais fait rêver, surtout en Ligue 1, il aurait joué plus souvent à la commission de discipline que sur les terrains de football. Parce que les arbitres de Ligue 1. Ils ont la main lourde. Ouais, c'est vrai. Donc avec un client comme Pépé, t'imagines bien que c'était un suicide. Et maintenant, on te dit Berchiche, quoi. Berchiche, et attention, c'est pour concurrencer Kurzawa. Donc là, on joue vraiment petit bras. C'est-à-dire qu'on cherche des remplaçants au PSG. Des remplaçants de remplaçants, quoi. Et après, on va dire quoi? Dans 3-4 mois, on va dire, ah mais c'est à cause d'Emery. Tu vois, ça me dérange. Donc le problème du PSG, c'est que je pense qu'ils ont raté un truc. À l'époque, quand il y avait Leonardo, ça démarrait très bien. Et depuis, si tu regardes bien, eh ben ils arrivent pas à tirer des tops. Parce que là, si tu veux gagner avec des champions, faut amener des top joueurs chez toi. Faut pas amener des seconds couteaux. Faut amener des top niveaux. Des mecs qui jouent à Chelsea, au Bayern. Tu vois ce que je veux dire? Piquer un mec du Real de temps en temps. Même un mec du Barça une fois de temps en temps. C'est ça, des top joueurs. Et ils arrivent pas à les faire venir. Et là, l'an dernier, ils ont fait venir qui? Krikoviak. On a vu ce que ça a donné. Oh, un flop. Il y a deux ans, ouais, c'était Stambouli. Stambouli, c'est un flop. C'est une farce. Voilà. Donc Paris, je pense, cette année encore, eh ben, si Marseille et Monaco sont décevants, ce qui n'est pas à exclure, parce que Monaco, je pense qu'ils vont se faire piller et ils vont avoir du mal à retrouver l'équivalent, même si c'est sûr. Donc moi, je vois pas Monaco champion. Mais Paris, voilà, si ça les fait rêver de gagner la Coupe de la Ligue tous les ans, et même plus le championnat maintenant, mais peut-être ils vont le regagner, mais bon, excuse-moi, c'est la moindre des choses, le budget qu'ils ont. Mais en Ligue des Champions, ça va être catastrophique. Ils n'attirent pas de joueurs. Regarde, il se passe rien dans le mercato. Le championnat commence dans un mois, même pas 3 semaines. T'as personne à Paris, là. Moi, ça. Et donc, ça veut dire que l'argent du Qatar, ben, ils savent pas le mettre en valeur. Je sais pas, il y a un problème. Il y a un gros souci. C'est comme, on te dit qu'Antero Henrique, il a beaucoup de réseaux. Bon, peut-être. Et pour l'instant, il n'y a personne qui vient au PSG. Et ça, c'est inquiétant. Mais ça vient pas forcément. Ça vient de quoi? Ça vient que la Ligue 1, elle fait pas rêver, déjà. Oui, mais je pense que Paris ne fait pas rêver, simplement. Ouais, t'en penses quoi, Yécha? Ouais, tiens, d'ailleurs, t'en penses quoi un petit peu de ça? C'est vrai que depuis un an, Paris est devenu vulnérable, on va dire. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Paris d'il y a 2 ans, où là, il laissait personne gagner. On a vu l'écart entre Paris et le deuxième du classement. Hein. Ça c'était jamais vu depuis un bon moment. Hein. Je sais pas d'ailleurs si ça s'est vu dans la Ligue 1, cet écart entre le premier et le deuxième. Non, je crois pas. Non, je pense pas. Donc voilà, et je pense que Paris, dès qu'ils ont commencé, à perdre Zlatan, quoi qu'on dise. Hein. Et David Luiz, ça aussi, ça a beaucoup... handicapé, donc là, Paris est en train de redevenir une équipe normale, j'ai envie de dire, actuellement. Bien que on a pu voir l'explosion de Cavani, mais Cavani, le truc, c'est qu'il a... Il plante, c'est pas ça le problème, c'est qu'il n'a pas le, oui, quoi qu'on dise, le charisme là, d'un Zlatan. Il n'a pas le... On le sent pas... voilà, même si on voit le PSG en Ligue des Champions, ça me... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Peur, comme quand il y avait Zlatan, voilà. C'est vrai, t'as raison. Donc, de toute façon, dans chaque équipe, dans chaque grande équipe, il faut qu'il y ait un leader, quelqu'un qui sorte du lot. Et là, Paris, actuellement, même si Cavani, il a fait une super saison, voilà, ça reste un Paris sans leader, donc sans saveur. Je suis supporter de Paris, mais je suis quand même pertinent. Je reconnais. Ouais. Non, mais t'as vraiment raison dans ce que tu dis. Dans chaque grand club, il y a un joueur qui sort du lot, d'accord ? Il y a un tueur. Et voilà, Ibrahimovic en était un. C'est tout. Qu'on aime ou qu'on aime pas. Voilà, qu'on aime pas. C'était le tueur du PSG. Il marquait quand il fallait. Voilà. Parce que, voilà. Et Zlatan, il faisait le spectacle. Et il tirait le PSG vers le haut en termes de... En termes de... Comment dire, ça en jetait, quoi. En termes d'illusion. Tu vois ce que je veux dire ? L'illusion de Zlatan. Même à l'étranger, hein. Oui. Mais même à l'étranger, hein, quand on le voyait, quand il jouait face à... En Angleterre, face à Chelsea, tous les magazines regardaient Zlatan. Il y avait Zlatan quand le PSG jouait. C'était ça. Et puis, même, par exemple, cette année, on voit Cavani qui commence à planter plein de buts. On dit, il est à quoi, 10 ou 11 ou quelques buts de Zlatan à le dépasser. Mais même s'il le dépasse, je suis désolé, ça ne... Il ne remplacera pas Zlatan dans la tête des gens. Ce n'est pas possible parce que d'ailleurs, Zlatan, c'est en dehors du terrain et sur le terrain, il y a quelque chose. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça, regarde. Le Barça des années 90, moi, le mec qui, pour moi, c'était pas le meilleur, hein, mais qui avait la plus grosse gueule, c'était Risto Stoïkov. Ah oui. Tu vois, c'est vrai. Parce que ce mec-là faisait peur. Voilà, il faut... Regarde, le PSV Eindhoven, il y a 10 ans, là, quand ils ont éliminé Lyon, c'était Van Bommel. Mm. Tu vois, Van Bommel, il truquait les matchs, il discutait avec les arbitres, il mettait des coups. C'était lui, le meneur. Et là, il n'y a plus de meneur au PSG. Tu vois ce que je veux dire ? Alors déjà, voilà, moi je pense, déjà, PSG, ils ont un gros souci. Verratti veut se barrer, ça va être là, il va y avoir un bras de fer. Il a présenté ses excuses, hein, en disant qu'il aimait Paris et il veut rester, mais... De cœur. Bah, non, à mon avis, je pense, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas, mais ça sent pas bon pour Paris, parce que même s'il a présenté ses excuses, je pense qu'il a envie de partir. Hein, quand t'as vraiment envie de partir, quand t'as en tête de partir, tu vas pas te l'enlever et te dire, je reste. Après, ce qui peut se comprendre, c'est que, imagine, tu joues à Paris, on t'a vendu une Ligue des Champions, tu vas jamais plus loin que le quart de finale, voire le huitième, et en face, t'as le Barça, et tu dis, bon, allez, le contrat, il est sur la table. Bah, c'est vrai que ça fait rager, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais ici, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Mais, en tout cas, s'il part, ça sera une grosse perte pour le PSG, ça c'est sûr. Ça va pas en s'améliorer. Oui, mais regarde Di Maria à Paris. Franchement, s'il s'en va demain, ça change quoi ? Rien du tout. À mon avis. Donc, là, à Paris, ils ont un gros problème, c'est que ils ont de l'argent, mais même quand ils proposent, ça n'intéresse personne. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que ça veut dire que si les mecs refusent l'argent, c'est quand même inquiétant. Bah, disons que quand tu veux construire une équipe, tu sais que quand un de tes joueurs veut partir, tu le sais à l'avance. Ils le savent à l'avance. Ils vont pas le savoir du jour au lendemain que le joueur va partir, bah tu prends les devants, t'essayes de trouver quelqu'un de son niveau qui va pouvoir le remplacer. T'as l'argent pour. Alors si je pense que si tu mets les petits plats dans les grands, je pense que le joueur va pas refuser, même que ce soit la Ligue 1. Je pense que malgré tout la Ligue 1 a quand même de belles choses. L'année dernière, on a quand même vu Nice, on a quand même vu Monaco. Il y a eu des beaux matchs avec des bons joueurs, donc je pense que ça peut faire rêver. On a quand même un pays, malgré tout, qui a des supporters qui donnent de la voix. Alors, bon, je mets entre guillemets, parce qu'il y a toujours des supporters un petit peu ridicules dans l'eau, mais on n'est pas non plus un pays où, quand il y a un spectacle, quand il y a le foot, il n'y a pas d'ambiance. On a quand même de l'ambiance dans les stades, même si c'est des fois pas très beau. Mais si tu donnes le salaire qu'il faut, le joueur va vouloir. Mais le problème de Paris, c'est qu'ils se prennent pas à l'avance. Là, il y a le joueur, il va partir, ils se disent « Merde, on a perdu un joueur, il faut absolument qu'on essaye de trouver quelqu'un qui lui ressemble. » Et le problème, c'est que tu vas pas trouver un joueur comme ça, du jour au lendemain, du niveau du joueur qui est parti. David Luiz, c'est un grand joueur, il n'y a rien à dire, c'est un grand joueur. Le mec, ils ont pas réussi à trouver quelqu'un de sa pointure. Zlatan, pareil, même qu'il soit sur le déclin. Ça a quand même été un sacré joueur. Il a quand même ébahi Bon, moi j'ai jamais, enfin j'ai jamais aimé, c'est faux, mais j'avais du mal, j'ai du mal avec Zlatan, mais je reconnais que c'est un joueur qui a fait du bien à la Ligue 1, bien sûr, qui a été là quand il fallait, bien sûr, et qui faisait peur, voilà, ben voilà, il s'intéressait à l'époque parce que Zlatan était là, et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là quand Zlatan était là qu'il fallait prendre les devants, dire. Va faire faire croire entre guillemets aux joueurs que vu que Zlatan il est là, ils pourront jouer avec. Alors certains ils l'aiment peut-être pas, mais bon, tu sais, quand t'as Zlatan dans, quand t'as un grand joueur dans ton équipe, tout de suite ils vont se dire, ah ouais, mais si je pouvais jouer avec lui, ça va peut-être changer les choses. Mais malheureusement, bien je sûr. Pense qu'ils ont pas la même mentalité, et peut-être que ça vient d'une génération de dirigeants, c'est peut-être pas la même génération qu'il y avait dans les années 80. On est obligé de comparer aux années 80 parce que c'était une autre époque. Ah, c'est pas pareil, ouais, c'est clair. C'est pas pareil. Avait... Mais il y avait le savoir-faire. Les 80, t'avais Bell, Tapie. Voilà. Bah, on est obligé de comparer avec eux parce que voilà. Malgré tout, alors, c'était pas le même football, c'est sûr, mais ça aurait pu être exactement pareil si ces deux mecs-là, c'était des. Des bouses, il y aurait jamais eu ce grand Bordeaux, il n'y aurait jamais eu ce grand Marseille. Même Paris, dans les années 90, ils étaient bons en recrutant Rail, on va pas revenir dessus, mais voilà. Bah non, là j'ai l'impression que ça fait du surplace et puis que la Ligue 1 va récupérer que des joueurs de second souffle, de, comme tu disais, de second couteau, pas de, de bonnes stars, je parle pas de... Ah non, mais Paris... Je veux pas moi, parler Paris, de quoi. Messi et Ronaldo, on parlait de Ronaldo à Paris, mais il va jamais venir à Paris, Ronaldo. Non, mais ils sont intouchables. Non, mais ces deux-là sont intouchables, mais je veux dire, quand tu vois que Paris Paris arrive même pas à se positionner sur des mecs qui jouent en, bah, en championnat d'Angleterre, par exemple, regarde. Pourquoi, regarde, on sait tous que Diego Costa va partir, d'accord de Chelsea, il est indésirable là-bas. Pourquoi que Paris se positionne pas sur un mec comme ça, Diego Costa? Parce que pour eux, Diego Costa n'est pas le, la star qui pourrait faire rêver, alors que c'est complètement absurde, parce que ce serait un bon joueur, c'est un mec qui marquerait des buts, pas forcément à chaque match, mais qui serait là, qui serait bon pour le club. Oui, mais ce qu'on veut, c'est gagner des matchs. Le mec, s'il met 25 pions dans la saison, et bah t'es content. T'en fous que ce soit une petite face rêver ou pas. Enfin, je sais pas. On saura jamais vraiment un petit peu ce que cherche vraiment Paris, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non, c'est dommage parce que Paris, c'était quand même, à l'époque, quand il y avait Zlatan, bon voilà. C'était une équipe qui pouvait lutter face au Real et au Barça largement. C'est vrai. À ce moment-là, même Messi en moins il s'est blessé. Hein. Bah, la saison 2013-2014, par exemple, la deuxième année que voilà, qui a eu 2013-2014, les deux premières années de l'ère Qataris, pour moi, ça a été le pari le plus redoutable. Ouais, je pense qu'il faisait très peur, hein, ce pari-là pour Barça, puisque d'ailleurs c'est cette année 2014 où Messi s'est blessé, c'est pour ça que le Barça fait une saison vierge. Voilà. Parce qu'il y avait une Messi dépendance, mais. C'est parce que même le Real, hein, ils ont gagné que 1-0 et c'est Cristiano, il a été. Aurier avait mis Cristiano dans la poche. Ouais. Je m'en rappelle très bien. Alors, et tiens, là, tu parles d'Aurier. Moi, il y a un truc qui m'énerve aussi. C'est que j'ai l'impression que Paris aussi. Alors, bon, je ne les critique pas gratuitement, Paris. Hein, c'est pas parce que je suis supporter de l'OM que je vais pas me justifier, mais. Quand je dois critiquer l'OM, je le fais et je le fais avec avec plaisir. Mais là, il y a un truc avec Paris qui m'énerve, c'est justement pourquoi avoir donné autant d'importance à Aurier qui a fait énormément de conneries la saison dernière. On va lui excuser presque tout, mais c'est à quelle image après ça? Il y a peut-être aussi un problème d'image avec Paris, parce que si on laisse un petit peu tout le monde comme ça, si on les laisse. Zlatan aussi, malgré qu'il a été bon, il a quand même eu pas mal de phrases un petit peu, des phrases qui étaient pas très très agréables à écouter, surtout envers la France. On leur a jamais rien dit. Et ça, c'est peut-être le gros défaut de Paris, c'est de laisser couler comme ça des choses qui sont pas forcément anodines, quoi. Et Aurier, de toute façon, Aurier, le gros problème, c'est qu'aussi, et il y a un joueur justement qui a lancé une phrase il y a pas longtemps. Il comprend pas pourquoi on lui a donné le brassard à l'équipe de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un mec qui est néfaste pour l'équipe. Juste avant qu'on continue, écoute, Yesha, tu dois partir. Je te remercie d'avoir participé. Ouais, merci. Merci et beaucoup. Merci à très bientôt, hein, et bonne soirée merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Ça salut. M'a fait plaisir. Au revoir. Salut. Voilà, donc je disais, ouais, puis je pense que t'es d'accord avec moi, Rétro, c'est que voilà, c'est qu'on laisse de l'importance à des joueurs qui n'en valent pas, quoi. Je suis désolé, quand tu fais des conneries, tu dois payer, quoi, tu dois être sanctionné. Là, les sanctions qu'il y a eu, c'est n'importe quoi. C'est pour moi, c'est pas des non, sanctions. Non, mais c'est vrai que moi je comprends pas au PSG l'inaction de Nasser là. Chaque fois qu'il y a une couille, il dit rien. Enfin, pourtant, on a l'impression que tout est permis, et je pense que l'image qu'il donne vu de l'extérieur, Paris, c'est pas la bonne, quoi. C'est un peu ça, ouais. Là, pour l'instant, franchement, bon, je sais bien que le mercato est loin d'être fini. Mais moi, ce qui est assez inquiétant, c'est que je vois bien que Paris n'arrive pas à attirer des grands noms. C'est vrai. Paris n'y arrive pas, ouais. Et donc, bon, on verra, hein, c'est pas terminé. Il y a encore plus d'un mois, deux mois à peu près. Je sais pas, ça doit se finir début septembre le mercato. Hein, fin août ou début septembre, je sais pas, parce que des fois ça va jusqu'au 5. Des fois ça va jusqu'au 5 septembre en fait. Ils ont changé, mais bon. Ils ont un gros problème Paris, c'est le gardien, hein, parce que Sirigu. Depuis Sirigu, t'as quoi? Excuse-moi, attrape Areola. Ils ont fait des boulettes chacun. Ouais. Donc il faut vraiment qu'ils aient un gardien quand même. Mais le problème c'est que je te laisse parler après. Ils ont voulu essayer d'instaurer un espèce de challenge entre les trois gardiens, une espèce de rivalité entre les trois gardiens, en essayant de sélectionner le meilleur des trois. Et je pense qu'ils se sont complètement plantés, quoi. C'est pas en essayant de parler de concurrence entre les trois gardiens que ça va faire quelque chose. Ils mettent un gardien numéro 1 et puis les autres, ils savent qu'ils sont numéro 2, numéro 3 et puis on n'en parle plus. On essaye de, faut pas essayer d'instaurer une rivalité entre les gardiens. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, et ça te permet pas d'avoir une équipe compétitive, parce que les gardiens qui sont pendant les matchs, ils essayent de tout faire pour être les meilleurs, et ils se plantent. Mais là il y a une gestion de l'effectif qui est vraiment pas bonne, et c'est pas normal pour un club qui a des ambitions. Donc moi je vois rien arriver là, du coup, à Paris. On nous a parlé d'Aubameyang. Apparemment, ça c'est mort. Je pense que c'est mort. Il voulait Mbappé aussi, mais je pense que c'est mort. C'est mort aussi pour Mbappé. Voilà. Donc on lance toujours, mais de toute façon, c'est ça qui est le gros problème pendant les transferts. On te balance de tout et de n'importe quoi. Donc à chaque fois, il faut essayer de prendre avec des pincettes, parce que c'est. On sait pas ce qu'il y a du faux du vrai. Donc on nous en avait pas parlé de Berchiche là. Hein. c'est vraiment un second couteau, hein. Franchement, c'est pour concurrencer Kurzawa, quoi. C'est hallucinant, quoi. Je vois pas où est la valeur ajoutée là. Je demanderai l'avis de Gabi justement sur cette. Oula. Je demanderai l'avis de Gabi sur ce niveau-là, parce que voir si lui il connaissait Berchiche, mais ça c'est pas la recrue que les supporters attendent. Non, c'est clair, pas du tout. On va parler un tout petit peu de Saint-Etienne, tant que t'es là. Je vois qu'ils ont acheté Diony, le joueur de Dijon. Ça c'est pas mal. Voilà, et puis mal, donc avec leur nouvel entraîneur Garcia, celui qui a entraîné Leipzig en. C'est le Red Bull Leipzig en. Ouais, attends, non, c'est le Red Bull, oui, c'est ça, en Autriche. Ouais. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ça si tu veux, toi qui es supporter de Saint-Etienne. Moi je pense que de toute façon, Galtier a effectué son temps. Ouais. C'était vraiment l'année de trop là, cette année. Ouais, c'était l'année de trop. Maintenant qu'il est parti, les langues commencent à se délier, donc effectivement beaucoup de joueurs n'étaient plus du tout en phase avec le coach, donc je pense qu'ils ont lâché la deuxième partie de saison, la fin de saison. Bon, après, il y a vraiment un problème de compétences aussi à Saint-Etienne, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui n'ont rien à faire là. Voilà. Ça vient peut-être des présidents aussi. Oui, les recrutements ont été ratés. Vraiment, c'est grand n'importe quoi. Parce qu'on parle qu'on parle de Rennes. Avec le président qui lui, il avoue, hein, après il a parlé sans langue de bois aussi. Il a dit que il n'y avait pas de il n'y avait pas de challenge pour Rennes. Mais pour Saint-Etienne, même s'ils en parlent pas, moi je trouve pas qu'il y a un challenge pour qu'il y ait une ambition pour Saint-Etienne, quoi. Non, mais je pense que Saint-Etienne, cette année, c'est une année de transition, je pense. Ouais. Et je pense que s'ils finissent déjà dans les 10 premiers, ce serait déjà bien. Parce que voilà, il faut tout reconstruire. Mais Diony, moi je trouve que c'est bien parce que bah il c'était là, un peu la star de Dijon. C'est un jeune qui claque quand même pas mal de buts, c'est un attaquant assez physique, et je pense que Saint-Etienne pour lui c'est un challenge. Ouais. Bon bah maintenant il va falloir qu'il se bouge, voilà, qu'il se bouge. Alors j'espère que ce sera pas un énième bid à Geoffroy Guichard, on en a connu tellement. Mais bon, on a toujours la faiblesse de croire que voilà, un gars qui est un peu une vedette dans son club va être une bonne recrue, c'est ce qu'on espère, mais. Voilà, on en a vécu des comme ça. Moi, je me rappelle du japonais, là, Matsui, là, au Mans. Oui. Il y a 10 ans. Qui était très bon au Mans. Très bon au Mans. Il a signé à Saint-Etienne. C'était un fantôme, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été, mais pas moyen. Il était nul. Nul, nul. Et je m'en rappelle, d'ailleurs, chez quelqu'un avec qui je suis ami sur Facebook. Alors là, t'as peut-être pas connu. En 2001, quand Saint-Etienne descend en Ligue 2, il recrute Michael Dogbé. Je vois qui c'est. En 2003. Ouais. Voilà, Michael Dogbé qui joue à Grenoble, meilleur buteur du club, enfin vraiment un super joueur, super buteur. Bon bah Saint-Té, il a rien fait quoi. À grand regret. Voilà, donc j'espère que Diony ce sera l'attaquant qu'on a besoin. Mais bon, il y a encore un gros chantier à Saint-Étienne hein. Mais bon, ce qui est certain, c'est que tout le monde en avait vraiment marre de Galtier. Alors pour quelle raison, j'en sais rien, on n'est pas dans la confidence. Après c'est facile de critiquer la personne quand elle part, hein, c'est facile. Après il a apporté un petit peu son grain de sel à Saint-Etienne, il a gagné une coupe de la Ligue. Bon, ouais. C'est peut-être. Non, mais il a fait un super travail. C'est peut-être malheureusement, peu, mais voilà, tout a une fin et je pense que ouais, c'était comme tu dis, c'est l'année de trop quoi. Voilà, il fallait vraiment partir. Donc Garcia, moi je connais pas du tout cet entraîneur. Bon. Alors bien sûr, tout le monde s'enflamme sur les réseaux sociaux et là ils te disent « Ah mais attends, le mec, il était joueur au Barça !» Oui, ah enfin au Barça, il y a une certaine époque et puis ouais. c'était pas un titulaire hein, incroyable non plus. Bah oui. Donc il y en a qui pensent que ça y est, Saint-Etienne, ça va jouer à la barcelonaise. Ouais. Voilà, ça va jouer là, ça va faire des passes. Voilà, bon bah non les gars, faut revenir un peu voilà. Non, mais il y a beaucoup qui font l'amalgame en disant vu que le mec il a joué dans un grand club, c'est pas parce que t'as été un grand joueur que t'es un bon entraîneur déjà. On y a vu avec Maradona par exemple. Hein. Pour parler de, il y a que lui qui me vient en tête en fait. Maradona, ouais. C'est vrai que c'est un excellent joueur, mais niveau entraîneur, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas parce que le mec a été très bon au football dans sa carrière de joueur que ça va être forcément un très bon joueur, un très bon entraîneur. Non, je suis désolé. En plus, il a dû peu jouer avec Barcelone. Tu peux pas mettre une tactique comme ça du jour au lendemain parce que t'as joué 3-4 matchs avec un club qui a été bon dans les années où il était. Non, il faut raison garder parce que le gars, il vient du championnat d'Autriche. Voilà. Qui est loin d'être un championnat de haut niveau. Ah bah malheureusement, donc, oui. Il faut vraiment redescendre là. C'est vrai. Je pense que Saint-Étienne va vivre une saison de transition. Bon, ouais, de relégation, voilà. Mais bon. Mais faut faire gaffe parce qu'il va falloir dégraisser le mammouth là parce que t'en as quand même pas mal qui servent à rien. Moi franchement j'ai vu le match de fin de saison contre Bordeaux. En direct, sur RMC, à Geoffroy Guichard. Sur RMC ils te disent que c'était un super match. Moi j'y étais dans les tribunes. Je peux te dire techniquement c'était pauvre. Moi j'ai vu des joueurs, et ça c'est une honte. Hein. J'ai vu des mecs rater des passes, quoi, incapables de se faire deux passes d'affilée, et à ce niveau-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, où les mecs, ils y étaient plus du tout, enfin, il se passe un truc, là. Donc là, voilà, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose à Saint-Etienne, et puis, bon, voilà. De toute façon, ils ont des moyens très, très limités, donc... Mais Diony, c'est bien. J'aime bien ce esprit de joueur, parce que c'est un mec qui s'est battu pour sauver Dijon, donc c'est quand même un mec à la niaque, et puis c'est un attaquant très physique. Ouais. Voilà. Donc toi, il est un peu boule comme ça, il rentre un peu dans le truc. Donc je pense qu'il va amener de l'impact et ça peut être bien, ouais. Ça peut être bien. Bon, encore beaucoup à faire. Mais c'est bien. Yoni, c'est très bien. Bon, si t'es content déjà, c'est. C'est, bah, c'est content, non, mais. Bah, voilà, c'est mieux que. C'est mieux que rien, quoi. Bah, c'est mieux que Söderlund ou je sais pas qui là. Voilà. Hein. C'est sûr. Et ouais. Là je vois que Dominique Rocheteau est devenu conseiller sportif. Oui, parce qu'il avait un poste, il n'avait pas de poste en coordinateur, fait. Pardon, coordinateur sportif, c'est pas pareil. Ouais, enfin bon. Bon, voilà quoi, c'est juste histoire du donner. Voilà, c'est juste histoire du donner. C'est un peu comme Bully à Marseille, quoi. C'est on essaie de faire entrer des légendes, mais ils font pas grand chose et on les paye pas mal. Ah voilà, moi j'ai énormément de respect pour le joueur. Moi aussi, bien sûr. Mais là, en termes de dirigeant, je vois pas trop à quoi il sert, mais bon, là, après, bon, bah, écoute, au moins, sur l'entraîneur, bon, ça avait mal commencé, ils n'arrivaient pas à en trouver, puis finalement, ils l'ont quand même trouvé relativement tôt dans le marché. Voilà, bon, maintenant, Garcia, je connais pas, donc ça va être la découverte. Moi, je vais essayer d'y aller à titre perso contre Nice pour la reprise, mais j'apprends que les copes sont vides. Ah oui, suspendus. Oui. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y aura pas de chance. Parce qu'il y a eu des fumigènes, c'est ça? Je crois, ouais. Pour Marseille, c'est pareil, le premier match au Vélodrome, pareil, il n'y aura pas les sous-screeners parce qu'ils auraient utilisé utilisé un fumigène, voilà. Bon, la LFP qui continue un petit peu sa non-ambiance dans les stades, voilà, c'est très regrettable parce que je pense que c'est pas non plus. Je pense pas que le fumigène, c'est pour. Embêter les joueurs s'il est bien utilisé, je pense que c'est plus pour la fête que pour embêter les gens, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que les dirigeants du football maintenant veulent que le football soit un spectacle comme au théâtre. Ouais, voilà. Très aseptisé, avec un public assis qui ne fait pas de bruit. Voilà, c'est ce qu'on veut maintenant. Donc, le problème, c'est que le foot à l'anglaise, quoi. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on nous ment là, on nous vend des faux arguments, on dit ah oui mais comme ça vous pourrez la sécurité dans les stades, vous pourrez retourner avec vos enfants. Oui. Ouais, bah ça c'est facile, toujours inclure les enfants pour donner un peu de. Voilà. Voilà, c'est pour ajouter un petit peu de peur que si tu vas avec ton enfant, que forcément dans un stade où il y a des fumigènes, ça va très mal se passer. Excuse-moi, voilà, mais bon. Voilà, mais non, mais le foot, le vrai foot est en train de mourir, hein, on va pas se mentir. Les présidents, on en a parlé. Il y a un type de président, il y a un type de dirigeant, il y a un type de public. Donc on a ce qu'on mérite maintenant. C'est ça. Donc maintenant on a des joueurs qui sont des marchandises, hein, donc qui se vendent, qui sont plus soucieux de combien ils valent que financièrement que ce qu'ils valent sur un terrain. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tout est en train de partir comme ça. Bon voilà. Donc. Et quand tu vois que la LFP est composée que d'anciens Lyonnais, ça fait peur. C'est pas normal parce que là tu vois que là s'il essaye de caser tous ses anciens les anciens de la maison lyonnaise. Oui, il y a même un cousin Hubert, hein, parce que je sais pas si tu le sais. Oui, t'es cousin avec Hubert Fournier, c'est ça. Voilà. Ma cousine Christelle, hein, qui s'appelle. Bon elle m'entend pas, mais parce qu'en fond on se parle plus trop, embrouilles familiales. Plus même pas avec moi, parce que j'étais trop petit, bien sûr. Ouais. Et elle était mariée, elle est toujours mariée avec Hubert Fournier, donc et moi cousin Hubert, hein, parce que dans les inconnus c'est cousin Hubert. Non, c'est dans les visiteurs plutôt. Les visiteurs, pardon, excuse-moi. Moi Hubert, quand il jouait à Stade Malherbe de Caen, il était venu pendant les vacances quelques jours à la maison, et moi je passais mon bac, je m'en rappelle. Ouais. Et il m'avait donné le maillot Elle et Vire, là, tu sais. Ah, le beau maillot des années 90. Avec le truc que on peut pas dessiner là en haut là. Ah, c'est le truc impossible à faire dans PES, quoi. Voilà, c'est ça. Une espèce de damier, c'est un truc de fou. Oh putain, même pas un damier, c'était... Et je trouve que ce maillot, ma mère a dû le jeter, puisque ma mère a une culture footballistique. Voilà, donc du coup, quand j'étais adulte et que je suis retourné chez moi, j'ai dit, au fait, le maillot de Caen, il est où? Elle me dit, je sais pas. Et puis, il était parti. Voilà, mais Hubert, c'était... Et bon, voilà, oui, aujourd'hui, il a un poste. Non, mais Olas passe ses pions, de toute façon, Olas... Son fantasme, c'est de redevenir champion de France et de gagner la Ligue des Champions et de régner sur le foot français. Donc, bon bah, par contre, voilà, j'espère que ça ne portera pas malheur. Mais si un jour notre ami Olas venait à nous quitter, enfin, moi, je ne ferai pas podcast là-dessus. contrairement à Nicolas. Voilà. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est voilà, vraiment c'est... pas pareil, c'est un univers qui est complètement différent, quoi. Voilà. Donc, voilà, mais pour l'instant, ce mercato est très calme, puisque les clubs français, je pense, n'ont pas beaucoup de moyens. C'est la réalité. C'est aussi, malheureusement. Et le club le plus riche va être Monaco, hein, parce qu'avec tout ce qu'ils vont vendre... Oui, hein. Mais bon, ils vont perdre beaucoup. Mais je pense que Monaco va avoir une saison difficile la saison prochaine. C'est sûr. Parce que quand tu te fais piller comme ça, bah, c'est la rançon de la gloire, hein. Tu gagnes un titre... T'as bien vu Montpellier à l'époque. Ah bah bien sûr, ça a été le gros flop après, hein, malheureusement. Voilà, mais là, même Monaco, voilà, il y en a, je pense qu'il y a 2-3 qui vont partir, 4 ou 5 même, et. Mais c'est des piliers qui vont partir. L'argent, bah, ton compte en banque est plein, mais sur le marché, ces joueurs-là, tu les as pas, les équivalents. C'est sûr. Donc bah ça va être compliqué. Je pense que je vois pas Monaco champion. Et puis Paris, bah, c'est bizarre, mais. Enfin, si. J'arrive pas à voir où ils vont là, c'est un peu le flou. Pour le moment c'est le flou total, on verra peut-être à la fin de du mercato où est-ce que ça pourra nous emmener, mais pour le moment c'est un petit peu compliqué de se faire une idée dessus. Voilà, bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Bah de rien, c'est moi. Merci à Yesha, puis merci à Gabi aussi. À très bientôt pour une nouvelle, pour un nouveau Banda Baggio. On se retrouve très très bientôt. Alors peut-être pas forcément tout de suite. On va essayer de se reposer un peu. Je pense qu'on fera juste avant les vacances peut-être la Coupe du Monde 82 avec toi, Rétro, si t'es intéressé. Ouais, ouais. Je pense que là on aura pas mal de choses à dire. Voilà, bah écoute, je te remercie encore une fois et à très bientôt. Oui. Salut. Bonne soirée. Salut. Ciao.